bonnes aventures. Tu peux me laisser un message après le match en sonore. Je te rappelle directement, ou alors je te rappelle pas. Alors c'est à moi de voir, et puis on s'en fout, quoi. Salut, à la prochaine. Oyez, papy, c'est une bière. Bon, t'as chaud, quoi. Bon, on a deux capables sur le téléphone qu'on a, et... On te rendez-vous à 18h, et puis ciao, ciao, on appelle Charlie Louis. Allô, papy, papy, c'est bar, quoi, quand même, hein. Je me lève, sors de mon sommeil, mais veille à ce qu'un papillon ne déploie pas de suite ses ailes. La chaleur dans l'appartement est au niveau d'une cendre d'un bédo mal écrasé. J'ai trop mal au cerveau, mon sang est de glace. Je suis pris de spasmes, sueur froide, angoissé. Je suis de plus en plus malade. À l'extérieur, il fait encore plus chaud que dedans. 16 degrés à l'ombre que je m'enfile dans le ventre creux. À jeun jusqu'à l'os, pour mieux sentir que la souffrance coule même dans mes yeux. Les reflets du soleil se propagent dans la pièce sombre, là où se sont envolés les rares coins d'ombre. Impossible de sortir, bloqué par mon subconscient. Du haut de la cité du bâtiment, j'entreprends de combattre la canicule, plus fort que le crépuscule. Celui qui fera remonter ma tension, je hurle. Hurlement de panique comme dans un film de King. Tremblement de nerfs de mon sang, je vais ôter la résine. Pris de convulsion, ma température est en hausse. Piqué par la fièvre, tout comme l'épine de la rose. La sonnerie du téléphone me rend plus dingue que jamais. La camisole est dans le placard, mais je n'ai pas la clé. Ce qu'il me faudrait, c'est me passer la tête sous l'eau. Mais il coule du feu dans mon putain de studio. Ça sonne à la porte, mais je n'ai pas la force d'ouvrir. J'essaie en vain, je pousse mes corps, je me sens mourir fatigué. De ma lutte impossible, je ferme un œil pour que devant moi n'existe qu'un demi-cercueil. J'ai smashé le dernier paquet de feuilles, je suis en deuil. Recueil sur le fauteuil de mon aïeul, le seuil de mon orgueil. À la sébaille, toujours en caille. Ma paranoïa devient de taille comme le coup d'un massaï. On m'assaille de coups, fenêtre condamnée, j'étouffe, rien à bouffer. Dans mon frigo, une bière entame. Depuis des années, un bruit de fond incessant. L'impression de perdre mon sang, une sirène frappe dans ma tête, accentue ma rage dedans mes tympans. Vont éclater, c'est sûr. J'entends un enfant pleurer au bout du couloir. Derrière la porte, illuminé, le mur saigne. Le téléphone continue de sonner. J'ai mal aux veines, pisse sur le parquet. Vois la mort en trois, les seuls. Dans mon 16 mètres carrés, séparé du monde. Je vole au-dessus d'un nid de coucou, le cul posé sur une colombe. Basket blanche, souillé, mon zen pisse le sang à 50%. Mon cerveau réagit, je perds la notion du temps. J'ai dû trop faire la bringue hier soir. Mon corps va exploser, des putains de cernes, vapeur d'alcool. Faut que j'aille me recoucher. Je me lève, sors de mon sommeil. Mais voilà ce qu'elle paye, en qu'elle ne dégoûte pas de suite. C'est sûr, la chaleur dans l'appartement est au niveau d'une cendre d'un peu. J'ai trop mal, c'est mal, mon âme est de classe. Je suis pris de spasme.